Cherchant à défendre l'honneur de Madame de Maintenon, son premier biographe rappelle à ses lecteurs des années 1750 à quel point, de son vivant, elle ne laissait personne indifférent. Regardée à Saint-Cyr comme une sainte, à la cour comme une hypocrite, à Paris comme une personne d'esprit, dans tout le reste de l'Europe comme une femme sans mœurs, et d'ajouter « J'ai laissé parler les contemporains et les faits. Il est vrai que la voyant outragée dans mille libelles, où des officiers mécontents, des étrangers trop crédules, des religionnaires passionnés accusoient des crimes d'Agrippine et de Brunehaut, une femme dont ils ne connaissaient que le nom, j'ai cru que ne pas défendre la vérité, c'était être complice du mensonge. » Moi, ce qui m'intéressait, en fait, dans ces deux citations, c'était notamment l'envergure européenne de cette femme et, justement, le fait que son nom soit sali à cette échelle. Donc, si mon intention aujourd'hui n'est pas de poursuivre l'entreprise de réhabilitation commencée par la Baumelle, il y a plus de 200 ans de cela, j'envisage néanmoins de mettre au jour les principaux ressorts de la mythologie chtonienne, pardon, créée par ses adversaires, en étudiant non pas les écrits acrimonieux ou les épigrammes acerbes, d'autres l'ont très bien fait avant moi, mais en m'attardant sur les portraits au noir circulant sur son compte depuis l'étranger. Loin d'être la première femme de cour à échauffer les esprits moqueurs, Madame de Maintenon se distingue pourtant de ses semblables, il me semble, par l'ampleur d'une part et par la large diffusion des attaques qu'elle essuie. Son destin exceptionnel, on en a déjà parlé, également la place convoitée qu'elle occupe pendant plus de 30 ans aux côtés de Louis XIV, explique pourquoi cette dernière inspire les critiques courtisanes, ça c'est bien connu, mais aussi les diatribes étrangères. Cela, cependant, reste assez peu étudié. Alors, du point de vue du pamphlet, on a déjà eu un certain nombre de communications et d'écrits antérieurs. Mais néanmoins, du côté de l'image, ça reste abordé de façon très ponctuelle. Et moi-même, qui ai travaillé sur Louis XIV, je n'avais parlé de Maintenon, finalement, que de façon très, très, très légère. Donc, je suis heureuse d'en parler davantage aujourd'hui. À la différence de la reine Marie-Thérèse ou des favorites qui la précèdent, la marquise de Maintenon devient une figure de renommée internationale qui retient surtout l'attention des ennemis de la France, au point de lui prêter un rôle central dans la conduite des affaires de l'État. En ce siècle de fer, où les campagnes militaires se succèdent sans que la fortune ne soit toujours favorable à la France, la vieille Guenon, si vous me permettez l'expression, occupe une place unique dans les satires produites en dehors du royaume, c'est-à-dire dans les satires qui émanent des îles britanniques, des Provinces-Unies et également des terres impériales. Rien qu'en se limitant aux images satiriques, on retrouve encore de nos jours une vingtaine d'estampes différentes. Alors j'insiste bien sur le différent parce que dans l'art de l'estampe, il y a toujours des copies, des empreintes, des légères diversions. Voilà. Et la majorité de ces images sont produites en termes de chronologie au moment de la guerre de succession d'Espagne. Donc vous voyez que cette image négative, finalement, elle survient assez tardivement et que donc elle couvre évidemment d'opprobre son nom sans la moindre retenue. Mon objectif est donc d'appréhender les raisons d'une telle violence à son égard, en étudiant non seulement les principaux griefs qui lui sont adressés, mais aussi en cherchant à reconstituer le terreau politique, iconologique et culturel favorisant de telles attaques. Pour être plus clair, quel rôle dégradant les satiristes lui prêtent-ils? Et est-ce que ces humiliations visuelles nous apprennent en creux, qu'est-ce que ces humiliations visuelles nous apprennent en creux des appréhensions politiques des puissances rivales de la France? Donc je vais d'abord m'attacher à vous présenter les portraits au noir donc, de cette femme qui est présentée d'abord comme une épouse transgressive, puis ensuite je vais m'attarder sur la figure de l'envoûteuse qui en fait est censée, cette figure, expliquer pourquoi elle se maintient aussi longtemps auprès de Louis XIV. Et enfin je terminerai justement par ce qui cristallise le plus de reproches, à savoir son pouvoir politique. Donc, tout d'abord, ce portrait au noir, pour l'appréhender, je débuterai par un frontispice de pamphlet, comme ça, ça fait parfaitement le lien avec la communication précédente. Un pamphlet donc, qui date de 1694, chronologiquement nous sommes également très proches, qui paraît à Cologne, et qui est intitulé « Scarron apparu à Madame de Maintenon et les reproches qu'il lui fait sur ses amours avec Louis le Grand ». À gauche donc, de la page de titre, le frontispice opère comme une sorte de synthèse visuelle du contenu de l'ouvrage. Et il nous présente donc justement celle qu'il est appelée la Maintenon, hein, dans la légende, vous le voyez. Elle est attablée à sa coiffeuse en train de manipuler un chapelet. Absorbée par sa lecture, la marquise apparaît de profil, davantage reconnaissable à sa coiffe, très travaillée et au luxe de ses vêtements qu'au trait de son visage. Par quelques attributs choisis, le graveur dresse le portrait d'une bigote et d'une précieuse, dont l'apparence est en complète contradiction avec le comportement licencieux que lui reproche son défunt époux. S'avançant timidement vers elle, visiblement peinée, hein, il y a une larme en fait, très, voilà, et puis on voit bien qu'il se touche le visage, donc peinée par la conduite de celle qui fut sa femme, Paul Scarron est enveloppé dans une sorte de linceul qui rappelle au lecteur sa mort déjà ancienne. Trois figures tiennent compagnie à ce spectre surgi des ombres. Donc en fait, ce sont les personnages créés par Scarron pour son roman comique. Donc Ragotin, le nain que vous arrivez tous à repérer, hein, un nain simplet placé à gauche de l'image. Il y a également la rancune et la rapinière. Leur présence permet à la fois de révéler la portée critique du pamphlet, mais aussi de rapprocher l'humour de ce bref opuscule de la comédie burlesque composée par l'écrivain parisien. Les échanges entre Madame de Maintenon et son ancien mari sont l'occasion pour le lecteur du pamphlet de découvrir les médisances qui entachent la réputation de la marquise à la cour. La première attaque, donc je fais une petite synthèse du pamphlet, hein, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce qu'après on ira plus vers des images. La première attaque donc, porte sur sa condition de veuve, une condition désormais dépassée par évidemment son remariage secret. À l'opposé donc de la veuve dévote, dont la vie serait entièrement tournée vers Dieu, le comportement de Françoise d'Aubigné, taxé d'infidélité par Scarron, la rapproche des représentations de la veuve libérée répandue dans les comédies à succès du XVIIe siècle. Rien dans sa vêture ne traduit son veuvage, et de toute façon pour cause, la disparition de son mari est ancienne d'une part, et en plus elle vient de se remarier, donc il n'y a pas besoin de signifier qu'elle est veuve. Mais néanmoins la présence du miroir, vous la voyez, un miroir très massif, et puis la coiffure extrêmement travaillée sont en fait autant de moyens de condamner sa conduite. Puisque en effet, en vertu de croyances très anciennes, il est répandu de voiler les miroirs des maisons afin d'empêcher le reflet du mort de se former dans ses miroirs. De même, il est d'usage que la veuve porte un voile dissimulant son visage et que, le temps passant, eh bien, ce morceau d'étoffe en vienne hein, à se raccourcir puis à disparaître. Donc, en donnant à voir une jeune coquette, le frontispice entend révéler la véritable nature de la digne descendante de la pécheresse originelle. La seconde série d'invectives porte sur le destin exceptionnel d'une femme qui, je cite, aurait oublié sa naissance, éblouie, je cite encore, par l'éclat d'une couronne. Sa trajectoire sociale, considérée comme une première transgression, est dénoncée au moyen d'un rappel de sa basse extraction et de ses soi-disant origines américaines. Pour insister davantage sur cette image de parvenue, l'auteur anonyme accorde à l'union morganatique une attention toute particulière. Dans le pamphlet, en effet, il y a l'insertion d'un contrat de mariage de conscience, évidemment faux, hein, mais peu importe, de 1683, et il fait dire tout haut à Scarron ce que les courtisans pensent tout bas. Ses grands titres de supérieur de l'abbaye de Saint-Cyr, de marquise de Maintenon, toutes ses qualités éminentes font grand bruit dans le monde et vous attirent insensiblement tout ce que l'on dit de vous. C'est finalement le grand bruit causé par ce mariage jusque dans l'au-delà, puisque Scarron revient de l'au-delà, il en a donc entendu parler, hein, qui cause l'apparition de Scarron et qui suscite des commentaires satiriques étrangers. Voilà comment c'est expliqué. Outre donc les pamphlets écrits ou traduits en anglais, en néerlandais, en allemand, le mariage secret scandalise car il élève la maîtresse au statut de presque reine, on a déjà parlé de l'ouvrage d'Alexandre Maral, ou de Queen of Versailles, là c'est le titre d'un récent ouvrage de Mark Bryant, lui il va jusqu'à reine. Pour dénoncer une telle violation des usages curiaux, rien de tel que les cartes à jouer, transformant la seconde épouse de Louis XIV en reine de carton. Donc ici, vous voyez que c'est une reine de pique. La reine de pique d'un jeu donc anglais qui est diffusé à partir de 1707. Et ici, eh bien, on revient sur une anecdote dont on a déjà parlé hier. une anecdote ancienne qui rapporte que eh bien, Madame de Maintenon s'était occupée de Jeanne d'Indon. En fait, cette référence, dans une carte anglaise, vous le voyez, elle s'appuie sur une récente publication, puisque la publication, elle date aussi de 1707. Donc, vous voyez que la proximité chronologique est extrêmement forte. Et ça nous permet de mesurer à quel point, en fait, les Anglais sont très fins connaisseurs des publications françaises et d'un texte qui, a priori, n'est pas un texte très drôle, puisque ce sont des instructions rédigées par Madame de Maintenon. De profil, un bâton tendu à la main, maintenant en robe de cour, guide avec attention cinq volatiles et s'exclame « to the old trade again », c'est-à-dire « retour au vieux commerce ». Plutôt que de continuer à partager la couche du roi, elle se dit, dans la légende qui est inscrite en dessous, et dont je vous fais la traduction, « insignifiante alors que j'élevais des dindes, petite, je rêvais de jouir du lit d'un roi ». Mais maintenant que les radoteurs se rassasient d'un méchant règne, il se pourrait que je m'en retourne à mes dindes. Donc, tout en rabaissant l'initiative prise à partir de 1684 de fonder la maison royale de Saint-Louis en faveur des jeunes filles pauvres de la noblesse, comparée ici à de la volaille d'élevage, hein, finalement, la carte attaque les prétentions, mais aussi le comportement ouvertement indépendant, en fait, de Françoise d'Aubigné. C'est parce qu'elle apparaît comme une femme de tête, une éducatrice, c'est elle qui a la baguette, hein, je vous ferai remarquer dans cette image, libre de ses choix et désireuse de quitter le foyer matrimonial, que son comportement est à nouveau hors des normes sociales de son temps. Dès lors, rien d'étonnant à ce que ce discours d'opposition dérive vers un abaissement sexualisant qui rapproche Madame de Maintenon de la grande prostituée, eh bien oui, rien que ça, cette grande prostituée de l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc, dans cette gravure anonyme et non datée, nous apercevons donc un beau portrait critique de Madame de Maintenon, un portrait critique qui s'est inspiré des portraits gravés de la marquise, vous voyez. On reconnaît quand même une certaine proximité hein, dans l'apparence, dans le vêtement notamment, pour finalement marquer également comme autre influence, hein, outre un rapprochement, on va dire, une certaine ressemblance, qui est assez... Faut pas être pointilleux, mais bon. Les autres influences que l'on peut percevoir dans cette estampe, c'est évidemment le récit biblique, un récit biblique reproduit en légende, et également un graveur qui puise dans le répertoire iconographique propre à ce thème de la grande prostituée. Un répertoire iconographique largement traité depuis le Moyen-Âge et gravé notamment par Albrecht Dürer. Vous voyez, je ne sais pas si je laisse votre œil s'habituer à cette image de Dürer, qui date donc de 1511, hein, sur la grande prostituée. Et finalement, il en ressort eh bien, une composition hétérogène, vous le voyez, hein, une composition dans laquelle l'image est envahie par des citations de versets apocalyptiques. Et comme Dürer, le graveur a figuré dans le fond à droite la ville de Babylone, ville du péché, détruite par les flammes, ainsi qu'un ange s'apprêtant à lâcher dans les flots une pierre semblable à une grande meule. Et là, je cite l'Apocalypse. L'inspiration allemande est cependant moins perceptible dans la figuration de la grande prostituée. Vous voyez que j'ai fait un rapprochement. C'est vrai qu'elle ne se ressemble pas exactement, même si elles ont la même posture sur la bête. Certes, celle-ci brandit une coupe, hein, une coupe remplie de ses péchés, des péchés de sa débauche, mais là où Dürer suit avec fidélité la description fournie par l'apôtre Jean, l'artiste néerlandais préfère élaborer un portrait plus reconnaissable de Madame de Maintenon, simplement parée d'un collier de perles, dont on a déjà parlé hier aussi. C'est grâce à la luxure, péché féminin par excellence, que la favorite a su séduire le roi et s'est tissée jusque sur le dos de ce monstre à sept têtes, dont l'apparence ridicule suscite davantage le rire que la peur. D'ailleurs, il y a des comparaisons hein, sur Louis XIV, monstre de l'Apocalypse, donc c'est complètement cohérent. Les charmes de cette fille d'Ève expliquent son ascension sociale exceptionnelle et dérangeante. En reprenant ce motif apocalyptique, désormais classique, l'artiste produit aussi une charge contre le catholicisme, en fait, religion de dépravation, à ses yeux. En effet, dès le XVIe siècle, l'association Rome-Babylone constitue une attaque commune formulée par les défenseurs du protestantisme. Pour preuve, eh bien, ces deux images de Luca Cranach et de Hans Holberin sur ce thème de la grande prostituée de Babylone. Et si vous êtes particulièrement attentif et que vous avez de bons yeux, vous remarquerez que la coiffe de cette grande prostituée ne correspond tout simplement à rien d'autre que la tiare papale. Donc, évidemment, critique hein, très fort du catholicisme. L'eau forte batave s'inscrit donc dans cette tradition critique et blâme ainsi l'apparente piété de Maintenon et la bigoterie exacerbée d'une cour pervertie. D'ailleurs, sur cette image, alors si j'y reviens, par deux fois, vous voyez que le mot blasphème est écrit sur le corps de la bête et donc ça renforce complètement cette idée. Si l'explication de la prodigieuse élévation de la favorite réside dans son pouvoir de séduction, c'est très classique, reste la question de sa capacité à se maintenir aux côtés de Louis XIV sur une aussi longue période. Plusieurs estampes apportent une réponse à ce mystère en cherchant du côté des pratiques occultes et magiques les raisons de la pérennité de son influence. Donc j'en passe évidemment à ma partie sur l'image de l'envoûteuse. En pleine guerre de succession, alors que le second mariage de Louis XIV a été célébré depuis plus de 20 ans, donc en fait c'est un thème qui est un peu vieux et dépassé, hein, un éditeur néerlandais finance pourtant la publication d'une série de gravures satiriques défavorables à la France, dont une est centrée sur le mariage de Louis XIV. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément évident au premier regard, hein, on est bien d'accord ? Il faut avoir l'œil entraîné. En fait, l'eau forte correspond à une réédition à peine modifiée d'une gravure qui date de la fin du XVIe siècle, une gravure de Bossius Adams Bosworth, je dois très mal le prononcer et j'en suis navrée pour lui, une gravure qui est elle-même inspirée d'une peinture, vous le voyez, de David Wingboons, donc inspiration néerlandaise, complètement, mais assez ancienne. Inutile de chercher sur la planche de 1708 une quelconque ressemblance physique, alors si j'y reviens, pardon, entre le couple qui est ici représenté, un couple constitué par un vieillard et une très jeune femme, et Louis XIV et Madame de Maintenon en 1708. Hein, il n'y a pas de ressemblance du tout. En fait, si on peut être certain que c'est et Louis XIV et Maintenon qui sont visés ici, c'est grâce notamment au fait que cette image, en fait, elle est publiée dans un opuscule et que face à cette image, il y a un long texte en néerlandais dont je vous passe la lecture et la traduction aussi, c'est assez long. Et dans ce long commentaire, en fait, hein, on comprend parfaitement qu'il s'agit à la fois de Louis XIV et de Madame de Maintenon. Et il y a un autre signe, cette fois-ci graphique, sur l'image. Si on joue au jeu des 7 erreurs, là il n'y en a qu'une. Alors je vous demande d'être particulièrement attentif sur cette ancienne gravure, celle qui a inspiré celle de 1708. Vous voyez à l'avant un cercueil. Vous remarquez une chandelle sur ce cercueil, ça se voit bien aussi sur la peinture. Et donc, eh bien, ce n'est plus un cercueil. Alors il y a deux petites modifications. Et il y a un sablier. Et le sablier, nous en avons parlé hier avec cette peinture de Maintenon en Sainte-Françoise. Voilà. Donc, il y a quand même une volonté hein, de faire coller au personnage. L'estampe exploite un thème graphique particulièrement populaire au XVe et XVIe siècle, c'est le thème du couple mal assorti. Un vieillard qui câline une jeune et belle femme, tandis qu'à droite, un singe équipé de lunettes le dépouille de sa fortune. La mort, que vous voyez derrière, tapie en embuscade, s'avance et s'apprête à transpercer le barbon, à le transpercer d'une flèche pour mettre fin à ses jours. De nombreux signes permettent de saisir le fatal destin qui se profile. Le bouquet de fleurs fraîches, condamné à faner, que tient donc le vieillard, le pot ébréché sur le point de se briser, qui est par terre, à gauche, la bougie presque entièrement consumée, ou bien plus simplement, initialement donc le cercueil, mais même s'il n'y a plus la croix dessus, on comprend bien à quoi ça fait allusion, et puis évidemment ce fameux sablier. Le message initial, qui consistait à tourner en dérision les amants mal assortis en soulignant leur différence d'âge, de centre d'intérêt également, puisque pour elle, c'est l'argent et pour lui, c'est le sexe, de caractère, ce qu'évoque la présence du chat et du chien hein, au pied de la jeune fille, eh bien, ça sert dans cette réédition à se moquer sans détour du ménage royal. Et la dérision est d'autant plus forte que l'écart d'âge entre Louis XIV et Madame de Maintenon est inversé, puisque Madame de Maintenon a en fait 3 ans de plus que lui. Dès lors, le fait de lui donner à elle l'apparence d'une fraîche séductrice est un bon moyen de dénoncer les amours anticonformistes et donc scandaleux d'une femme d'abord gérontophile avant de devenir cougar. Excusez-moi ces termes un peu contemporains. Ouais, cougar de 3 ans, c'est pas non plus, mais bon. Hein. Voilà, pour l'époque, ça devait choquer probablement. En outre, une apparence aussi juvénile invite le public à s'interroger sur les raisons de l'éternelle jeunesse affichée par l'épouse secrète du roi. De là à laisser entendre qu'elle fait usage de la magie, il n'y a qu'un pas, et ce pas est implicitement franchi dans cette carte à jouer. Je vais revenir à mes cartes de jeu. Celle-ci, toujours une carte anglaise, parce que les Anglais ont fait pas mal de cartes comme ça. Elle est issue du même jeu de cartes. Et cette fois-ci, Madame de Maintenon apporte une coupe remplie de sang au monarque agonisant. Là encore, l'écart d'âge est exagérément souligné entre un Louis XIV ridé et chauve, vous le voyez, hein, qui n'est absolument pas reconnaissable, et puis sa femme, qui, dont le visage, hein, pareil, n'est pas très fidèle, mais peu importe, elle n'est pas ridée du tout. La soignante accompagne son attention de paroles inscrites dans un phylactère. C'est le meilleur sirop, the best cordial, qui puisse exister pour que le malade retrouve de la vigueur. Et qu'est-ce que ce remède ? Eh bien, si vous lisez et que vous êtes parfaitement bilingue, vous avez compris qu'il s'agit de sang, hein, du sang dont l'origine reste incertaine. On ne nous dit pas si c'est du sang de soldats, du sang de jeunes enfants sacrifiés, ou alors du sang menstruel. Si j'évoque cela, c'est pas tout simplement parce que, du coup, on comprend en fait que cette coupe, c'est à la fois une cure de jouvence, d'une certaine façon, et un filtre d'amour. Marsile Ficin, philosophe italien du XVe siècle, préconisait en effet l'absorption de sang jeune pour lutter contre le vieillissement. Je vous passe la citation de Marsile Ficin. Et par ailleurs, dès le Moyen-Âge, une croyance populaire voulait que le sang servît aussi aux épouses dont la position n'était assurée que par la bonne volonté de leur mari, ce qui est quand même la situation hein, de maintenant. Celles-ci élaboraient alors des breuvages, souvent à partir de leur menstruation. C'est pour ça que j'évoquais cela. Mêlant finalement les deux superstitions, le 4 de pique transforme insidieusement Madame de Maintenon en enchanteresse maléfique. Et cette condamnation des penchants démoniaques de la veuve Scarron était déjà présente dans une estampe, parue quelques années auparavant et ayant connu un succès incontestable, puisque aujourd'hui on en possède encore un très très grand nombre dans les fonds de conservation. Alors c'est une estampe qui se moque hein, des prétentions universelles de Louis XIV et de son petit-fils Philippe V, pleine guerre de succession d'Espagne. Ils essayent de découper le monde, ils n'y arrivent pas. Et maintenant, qui est donc perché sur le globe, eh bien, les aide en urinant dessus. Très, très élégant, mais bon. Bref, c'est l'objectif en même temps. La position donc obscène de l'épouse royale fait immédiatement penser à la femme qui pisse, provoquant de gravures de Rembrandt réalisées en 1631. Le graveur, copieur également, adopte cependant une mise en scène plus pudique qui fait glisser le regard du public vers le visage satisfait de la courtisane. Celle-ci, pourtant, devrait afficher une expression plus consternée puisqu'elle tient dans la main toute une liste de défaites françaises. On comprend donc que ce sourire, hein, c'est un sourire de soulagement, tout simplement, ça lui fait du bien. Dans le texte, hein, vous voyez qu'en fait, il y a une légende néerlandaise au milieu, puis il y a une légende française de part et d'autre, enfin un commentaire. On nous parle d'eau virginale, qui est censée donc aider à découper le monde. Et évidemment, hein, cette expression renvoie à l'impureté des anciennes pratiques adultérines de la favorite. Le geste, pour autant, évoque les rituels magiques effectués par les sorcières afin notamment de provoquer des tempêtes. Et je m'appuierai pour cela sur un tableau. Alors, vous allez me dire, elle n'est pas en train d'uriner. Non, c'est vrai, je n'ai pas exactement trouvé, j'ai cherché dans les estampes et dans les tableaux, une sorcière en train d'uriner. Mais néanmoins, il est clair que ici, en fait, la sorcière Dance Balung Green brandit un pot, et dans ce pot, il y a certes un petit démon, mais il y a également de l'urine. Et il est attesté qu'on croyait que par le biais de leur urine projetée dans les airs, les sorcières parvenaient à transformer le temps et à créer des tempêtes. Donc voilà à quoi il est fait allusion ici. Provenant donc d'espaces protestants particulièrement vindicatifs contre les sorcières et très portés à interpréter les crimes commis par ces dernières comme des manifestations d'une puissance féminine, surnaturelle et démoniaque, les satyres, transformant Madame de Maintenon en une nouvelle Circé, rejettent l'ascendant durable qu'elle a sur le roi. Parce que son existence contrevient au fonctionnement traditionnel de la société patriarcale, elle alimente un grand nombre de critiques réprouvant un pouvoir politique qu'elle aurait usurpé, et du coup j'en viens à cette dernière partie de son image. Puisqu'en fait, ce que l'on critique à cette femme, finalement à cette seconde épouse de Louis XIV, c'est le fait d'être la véritable détentrice de l'autorité, celle qui finit par gouverner le roi. Déjà dans l'estampe précédente, en fait, si on est attentif, c'est elle qui occupe la position supérieure. Et donc, ça laisse transparaître son ascendant. Tout en bas du dessin, il y a une sentence latine que je vous traduis. Vous tentez en vain, mais vous n'êtes pas à la hauteur de la monarchie. Et du coup, on se demande si cette sentence latine, elle s'adresse à Louis XIV et à son petit-fils, qui sont tous deux rois, ou si, en fait, elle ne s'adresse pas aussi à Madame de Maintenon. Romain de Roux est quant à lui beaucoup plus explicite quand, en tête du pamphlet qu'il publie en 1701, il fait conduire le char du soleil par celle avec qui le souverain aimait si souvent discuter. Alors cette image, elle est extrêmement connue. Vous voyez ce vieil Apollon hein, sur son char. Vous comprenez tous la parodie visuelle qui est évoquée ici, si vous connaissez un petit peu Versailles. Donc un char qui, en fait, est une sorte de chaise percée, hein, si on est bien attentif. Donc là, on tombe dans le scatologique à nouveau. Et en fait, ce regard, cet échange de regards qui traduit finalement quand même une certaine forme d'amour entre Maintenon et Louis XIV, et une Maintenon qui, évidemment, puisqu'elle est concentrée à regarder son roi, eh bien, ne se focalise pas sur la route empruntée et donc évidemment ça sombre à la catastrophe. C'est donc parce qu'ils sont amants finalement que la France sombre. Et c'est du reste ce que confirment les vers cités par Mercure dans le pamphlet. En fait, ça c'est également un frontispice de pamphlet. Et à l'intérieur, Mercure s'exclame que l'univers surpris condamne l'amour extrême, lui coûte tant des peines, de larmes et de cris. Donc c'est cet amour qui est responsable finalement de la perte de la France et même du monde. Informé des habitudes de Louis XIV de recevoir certains de ses ministres dans la chambre de sa seconde épouse, voire d'y réunir le conseil pour y traiter d'affaires de la plus haute importance, et notamment de cette question de la succession d'Espagne, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'images d'elle associées au roi à partir de la guerre de succession d'Espagne, eh bien, les détracteurs étrangers accordent souvent à la marquise une influence politique très, très, très exagérée en fait. Quand elle n'affirme pas ouvertement dans certaines images « je croyais bien régner ici », c'est elle qui oriente la diplomatie française. Ainsi, dans cette image, où vous la voyez donc au pied de Louis XIV, qui date donc de 1706. 1706 est une année de très nombreuses défaites pour la France. Et on a apparemment l'impression de voir la supériorité de Louis XIV, puisque le roi est assis sur son trône, en situation de commandement, vous voyez la main, le geste. Mais si on est attentif, en fait, les flammes qui s'échappent en direction du siège royal, tout comme le détournement de la devise solaire, ce n'est plus « nec pluribus impar », mais c'est « nunc pluribus impar », c'est-à-dire « maintenant, il ne peut résister à plusieurs », forme autant de signes, en fait, de la faiblesse du gouvernant. Et par contraste, Madame de Maintenon est celle qui détient, d'une certaine façon, les rênes de l'État. Par une formule impérative, dans le petit dialogue qui se trouve au pied de cette gravure, en effet, qu'est-ce qu'elle dit ? Quitter la trahison, le fer et feu de guerre, donner un blanc signé aux ennemis pour faire des articles de paix, et vous pourrez, Louis, trouver grâce et repos après faits inouïs. Bien que faisant une révérence, la marquise soutient le regard royal. Son positionnement dans l'image, au même plan et à la même hauteur que le monarque, permet d'en faire sa conseillère particulière et celle qui incarne la parole sensée, puisque c'est elle quand même qui plaide en faveur de la paix en 1706, la paix ne survenant que bien plus tard. On assiste donc à une sorte de renversement, en fait, dans les satires graphiques. De la favorite magicienne, elle en vient à incarner, ici, d'une certaine façon, la sage éminence grise, ou plutôt noire, comme dans cette dernière estampe. C'était là la citation dont je viens de vous parler. Cette dernière estampe, en effet, dans laquelle on la voit en veuve, se lamentant. Et elle incarne véritablement la France, désormais, vous le voyez. C'est la marquise endeuillée qui personnifie le royaume, un royaume meurtri par les malheurs de la guerre. Et c'est également elle qui, dans le long commentaire qui encadre la gravure, fait la leçon au roi et plaide à nouveau en faveur de la paix. Pour autant, en la présentant en train de se lamenter, eh bien, le graveur mobilise à nouveau un trait de caractère spécifiquement féminin pour les contemporains, le trop-plein de sentiments. Donc cette image, elle est quand même aussi ouvertement critique à l'égard d'un pouvoir féminin. Mais si on extrait quand même un passage de la légende que j'ai grossi, vous voyez, le roi est établi pour le bien des sujets, récompensant les bons, punissant les mauvais, traitant comme il entend lui-même qu'on le traite, soit comme le soleil qui les ombres rejette, et étant au plus haut rend plus clair splendeur, un roi très grand rend au sujet plus de bonheur. Oh, sire en bon repos, gardez votre royaume, etc. Et puis elle plaide en faveur de la paix. Donc, quand même, une parole de sagesse et pas simplement le fait de la salir. J'en viens à ma conclusion. L'image satirique de Madame de Maintenon est finalement assez ambivalente et ne peut se réduire au titre que j'avais initialement retenu, à savoir la veuve envoûteuse. Donc j'aurais dû ajouter des guillemets, des points d'interrogation, enfin bref, j'aurais dû le changer en fait. Révélateur des projections que les contemporains peuvent faire sur la compagne d'un prince, ces différents doubles caricaturaux témoignent de la circulation très large des médisances. Ils témoignent également des défauts canoniquement attribués aux femmes par les élites européennes. Surtout, ce qu'interrogent toutes ces charges visuelles, c'est la question du pouvoir féminin, imaginaire ou réel, que ce soit dans la sphère privée, domestique, sexuelle ou politique. Or, depuis le XVIe siècle, les thèmes de la puissance féminine et du renversement des rôles de genre sont des sujets régulièrement traités par les arts en général. Puisant dans les imaginaires historiques, bibliques ou mythologiques, les créateurs ont abondamment mis en image des hommes manipulés ou abusés par leurs compagnes. Salomon, Samson, Aristote ou Hercule forment autant d'exemples interrogeant la figure de la virilité, car confrontés au cours de leur existence au pouvoir féminin. En replaçant les images que je viens de vous présenter dans ce contexte artistique général, on comprend que l'usage de la figure caricaturée de Madame de Maintenon vise autant à salir la marquise qu'à maculer Louis XIV. Je vous remercie.